Jésus, je t'aime par ta parole. La foi de Christ, nous célébrons. Pouvoir divin par ton esprit régnant sur ton église. J'aime Christ par sa parole. J'aime Christ par sa parole. Par sa parole révélant l'univers sacré. Sa parole, par sa parole, nous révélant la vie. J'aime Christ, par sa parole, j'aime Christ, par sa parole, par sa parole, révélant l'univers sacré. Sa parole, j'aime Christ par sa parole, par sa parole, nous révélant la vie. Ô Dieu, dans son amour divin, nous donne de voir sa vie. Nous célébrons de traverser le Jourdain dans son esprit. Sa parole, j'aime Christ par sa parole, par sa parole révélant l'univers sacré. J'aime Christ par sa parole, j'aime Christ par sa parole, par sa parole nous révélant la vie. Sa parole, j'aime Christ par sa parole, par sa parole révélant l'univers sacré. J'aime Christ par sa parole, j'aime Christ par sa parole, par sa parole nous révélant la vie.